Drop off leftover paint, weed killer, and other household chemicals that don't belong in the trash at a free Ramsey County Household Hazardous Waste Collection Site. During the month of October, drop off household hazardous waste at Aldrich Arena in Maplewood every Friday and Saturday. For times, address, and more information, visit RamseyRecycles.com/HHW or call 651-633-3279. I'm Liz Olds, and I'd like to thank our guests tonight, Susanna Drissi and Brian Satram, plus our listeners who make this show possible. We appreciate your support, and thank you to all who donated. You can find news and information about Right on Radio at kfai.org/program/Right on Radio, plus listen to recent episodes on our recently launched podcast found on Spotify, iTunes, and anywhere podcasts can be found. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM HD Minneapolis, and on the web at kfai.org, Radio Without Boundaries. Now stay tuned for Polar, Minnesota. The following KFAI program was recorded earlier for broadcast at this time. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis, Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis, Saint-Paul and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Bonsoir tout le monde, bonsoir Adrien, bonsoir Freddy. Bonsoir Romain. Bonsoir Adrien. How are you guys? Bonsoir Romain. Well, ça va. Super, great. Yeah, and we're back recording in advance. Yes. We're not going to the studio this week, but we will soon because it really, when we went back last week, we realized, well, we knew that, but we realized how much we miss being live in the studio. It's a very different dynamic. We'll do that again soon. Yeah. Yeah. Once the calm down a little bit. But yeah, it was fun. And so that was the pledge drive. And we don't have any results yet as how much money, I mean, if they achieved the goal at KFAI, how much money Bonjour Minnesota brought and who gave and that sort of thing. So we're going to get in touch with the KFAI staff about it. And as soon as we get the list, we'll get the and as soon as we know, we'll we'll update you. Yes. Merci, bonjour, awesome. Minnesota. Now, and thanks for listening again. Hi, everyone. So, Fred, what is the theme tonight? Well, the theme tonight is Halloween, because Halloween is at the end of the week, at the end of October, and we have a lot of songs, not that many songs about Halloween itself, but a lot of spooky ones. Yeah, spooky ones. There's some about Halloween itself, like some kids' songs or things like that, but some spooky ones too. Or songs who talked about like death and things like that, because the following day of Halloween is the Day of All Saints. Yeah, La Toussaint, the Day of All Saints, where in France we typically celebrate that as going to cemeteries and go honoring the dead and clean up the tombs, clean up the tower. So for the people who don't go very often, November 1st is a holiday and people can go and clean up. But I mean, most of the songs are not, even though they talk about death and stuff, they're not that sad. I mean, they're not like suicidal kind of songs. We need to uplift. I mean, we could do fun stuff with a Halloween, ici trouille. Yes. And then we're going to listen to recent songs from recent albums. Exactly. And it's a list catered by Freddie. Yes. All right. And we'll talk a little bit about the events. It's pretty quiet, but I've also had news that the Alliance Française is trying to organize a little bit more events, kind of hybrid events, where it can be in person, but people are spread out enough that, you know, they are respecting the 6 feet of distance and everybody will have masks and things like that. So that sounds pretty interesting. Yeah, other than that, more movies. I was lucky this week to watch a movie called Convictions in English. And it's translated in French, it's Intime Conviction. And it's a movie about a woman, a mother, who has three kids and out of a sudden disappear. And the dad has been at some point put in trial and suspected, but there was not really any proof. And the movie starts at the second trial. They redo the trial and it's based on real facts. They redo the trial 10 years later and that's when the movie starts, you know, and it was pretty interesting. So good. The lover boyfriend was suspected but not that much. Mm-hmm. Really, everything is on the husband, and it was pretty good. And it was with the lawyer was Dupont Moretti for that. Yes, the current justice minister, the department, attorney general in France, attorney general. Yeah. Intime Conviction. Dupont Moretti was also in. I can't remember the title, but one of the latest, Claude Lelouch. And actually, Dupont Moretti is a judge in that movie. So he's on the other side because Dupont Moretti is a criminal attorney, a defense attorney in real life. So, but I remember reading about Intime Conviction. Yeah, I have it's not pretty seen good. It, but I remember. Yeah. It's on the parkwaytheater.com. Mm-hmm. And so it's, it's rentable and you can play it on your laptop or whatever. Yeah, all good. One of the actor actually is the husband, who's the man, you know, the one they are trying to prove is guilty, is the same actor that's playing in the new series, Revolution. So, have you guys seen La Révolution? Well, La Révolution, have you guys seen it from Netflix? Mm-hmm. The actor in La Révolution is the... And, Laurent Lucas. Was it the dad? The Jacques husband? Viguier? Yeah. Yeah. Jacques Viguier. Yeah. And Laurent Lucas is, so he's in the Revolution, I didn't know, but he was in Harry with a friend like Harry back in the early 2000s. Je l'ai pas vu. Harry, un ami qui vous veut du bien, with also Sergi Lopez, which is outstanding. That's an awesome film. Isn't that like a stalker movie kind of thing like that? Yeah, and I mean, there are various levels on which you can actually understand the movie. And when I was done, you know, when I watched that movie, I realized, well, I mean, that was my own conviction that one of the characters actually did not exist. And so there are various ways to interpret the film. And I remember it came out in the US and it was actually pretty popular for a foreign film. Mm-hmm. Yes. So in La Révolution from Netflix, he's the brother of the Count. Yeah. And Laurent Lucas is also, I'm sorry, Adrien, but he's also in that, I don't think Freddy watched it, but in Le Bureau des Légendes, he's the French agent who works for the Mossad, who hires, what's her name, Marine. Yeah. Okay. But did you see also, I posted an article on Facebook. They are talking about doing something online with MCs, another channel, I think TF1, something like that. Oh, Salto? Salto, yes. Yeah, well, it's on. That's, is it? There was a, you know, actually my former boss was their, I think, attorney. Because there was, you know, there were a lot of legal issues with creating a platform like that. And I think they get the go ahead. And I think they're on now. Because I saw some series and they said that they, you know, you can watch them on Salto. So, it's like a joint venture between MCs and TF1 to compete with Netflix and Amazon and so forth? I don't know. Yeah. I don't know if they can really compete, but we'll see. And on the French market, maybe? Yeah, I mean, it's always interesting to get more French channels accessible because it's not uncommon, like TF1 from the US, if you want to watch the regular channel, you can't because it's geographically restricted. So, yeah. I mean, the more for the better. Of course. All right. Should we listen to some music? Yes. What about we do that? Yes. So let's start. Yes. Let's get scared. Yes. And yeah. And on y va. Eh ben, c'est parti, mon kiki. Okay. And now we're going to listen to a band called Les Zut. And the name of the song is Aujourd'hui, c'est Halloween. Today is Halloween. This band is doing songs for kids and they are very popular, very funny, and not too annoying. Then we're going to listen to 50 chansons de France with a song called Les Araignées or The Spiders. And it's going to be Babel Zone with La Chanson des Squelettes, The Skeleton Song. T'as eu peur, toi, pour Halloween? Bah non, moi, j'ai pas eu peur, moi. Aujourd'hui, c'est Halloween. Je vais me déguiser en citrouille. Je vais sonner chez la voisine. Et elle aura une de ses trouilles. Je suis la fée Moglobine. Je pustule, je dégouline. Je suis le vampire du soir. Je te trouve de toutes parts. Aujourd'hui c'est Halloween. Je vais me déguiser en citrouille. Je vais sonner chez la voisine et elle aura une de ses trouilles. Je suis le monstre puant. Je suis tout vert, poisseux, gluant. Je suis le squelette qui boite. Je grignote les omoplates. Aujourd'hui c'est Halloween. Je vais me déguiser en citrouille. Je vais sonner chez la voisine. Et elle aura une de ses trouilles. C'est Halloween. Je vais me déguiser en citrouille. Je vais sonner chez la voisine et elle aura une de ses trouilles. Quand le roi va à la chasse, il rapporte des bécasses. Il les cuit, il les fricasse. Il en donne à ses petits chiens. Ses petits chiens n'en veulent pas. Il en donne à ses petits chats. Ses petits chats n'en veulent pas. Berlin, Berlin pêche. Quand la pendule sonne une heure, un grand squelette ouvre les yeux. Quand la pendule sonne deux heures, deux grands squelettes s'habillent en bleu. Poumbe, poumbe, poumbe, poumbe, poumbe, poumbe, poumbe. Quand la pendule

chapeau démodé, mais il est immortel. Je connais une fille dont le sourire pointu est plus cruel que celui de Nosferatu. Le crucifix qui descend entre ses deux seins ferait se damner un saint. On se brûle les yeux sur sa chevelure blonde, comme si l'on revenait d'une cave profonde. Le goût de sa personne comme celui de l'ail me reste dans la bouche, je doute qu'il s'en aille. Il semble que l'amour soit parfois un charme bien pire que celui que l'on prête au prince des vampires. De malheureuses piqûres dans le cou qui vous gratte, discrète signature du vieil aristocrate. Dans les rues de la ville Paris, la multitude, je l'imagine dans son lit de solitude, se fourrant. Gratter à ma It was Henri Dès with La Sorcière de Minuit, then Thomas Fersen with Les Zombies du Cimetière, and Dracula. KFAI is partnering with the Hook and Ladder Theatre for a series of streaming concerts featuring some of the region's favorite artists. Hookstream raises concert viewing to a new level with high-definition multi-camera video plus professional sound. Upcoming shows include Saturday, October 31st, Trailer Trash, a trashy little Halloween party. More information about KFAI's presentation of Hookstream is available at thehookmpls.com. Hello, bonjour. This is Freddy Le Tite Ideal. Welcome to French and Francis radio show Therapy on KFAI.org. I am originally from Paris and now living in Minnesota. I wanted to play songs and bands that were influential in France. The styles will vary, going from electronica to rock. Feel free to send me feedback, frenchandfluences@gmail.com. Now we're going to listen to A.S. Dragon with Sorcière, a witch. Then it's going to be Georges Brassens with Les Funérailles d'Antan, The Old Days Funerals, and Charles Trenet with La Java du Diable, The Devil's Java. Je me souviens de tout ce qui vient, je fais grand pas. Jadis les parents des morts vous mettaient dans le bain. De bonne grâce ils en faisaient profiter les copains. Il y a un mort à la maison si le cœur vous en dit. Venez pleurer avec nous sur le coup de midi. Mais les vivants aujourd'hui ne sont plus si généreux. Quand ils possèdent un mort, ils le gardent pour eux. C'est la raison pour laquelle depuis quelques années des tas d'enterrements vous passent sous le nez. Des tas d'enterrements vous passent sous le nez. Mais où sont les funérailles d'antan? Les petits corbillards, corbillards, corbillards, corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant. Les petits macabés, macabés, macabés, macabés ronds et prospères quand les héritiers étaient contents. Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, même ils payaient un verre. Elles sont révolues, elles ont fait leur temps. Les belles pompons, pompons, pompes funèbres, on ne les reverra plus, et c'est bien attristant. Les belles pompes funèbres de nos 20 ans. Maintenant les corbillards à tombeau grand ouvert emportent les trépassés jusqu'au diable Vauvert. Les malheureux n'ont même plus le plaisir enfantin de voir leurs héritiers marrons marcher dans le crottin. L'autre semaine, des salauds à 140 à l'heure vers un cimetière minable emportait un des leurs. Quand sur un arbre en bois dur, ils se sont aplatis, on s'aperçut que le mort avait fait des petits. On s'aperçut que le mort avait fait des petits. Mais où sont les funérailles d'antan? Les petits corbillards, corbillards, corbillards, corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant. Les petits macabés, macabés, macabés, macabés ronds et prospères quand les héritiers étaient contents. Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, même ils payaient un verre. Elles sont révolues, elles ont fait leur temps. Les belles pompons, pompons, pompes funèbres, on ne les reverra plus, et c'est bien attristant. Les belles pompes funèbres de nos 20 ans. Plutôt que d'avoir des obsèques manquant de fioritures, j'aimerais mieux tout qu'on te fait passer de sépulture. J'aimerais mieux mourir dans l'eau, dans le feu, n'importe où, et même à la grande rigueur ne pas mourir du tout. Oh, que renaisse le temps des morts bouffis d'orgueil, l'époque des matus vus dans mon joli cercueil. Ou quitte à tout dépenser jusqu'au dernier écu, les gens avaient à cœur de mourir plus haut que leur cul. Les gens avaient à cœur de mourir plus haut que leur cul. Mais où sont les funérailles d'antan? Les petits corbillards, corbillards, corbillards, corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant. Les petits macabés, macabés, macabés, macabés ronds et prospères quand les héritiers étaient contents. Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, même ils payaient un verre. Elles sont révolues, elles ont fait leur temps. Les belles pompons, pompons, pompes funèbres, on ne les reverra plus, et c'est bien attristant. Les belles pompes funèbres de nos 20 ans. Un jour le diable fit une java qui avait tout l'air d'une mazurka. Valsa 3 temps, il ne savait pas ce qu'il venait de composer là. Aussitôt la terre entière par cet air fut enchantée. Des dancings au cimetière, tout le monde le chantait. On le dansait à petits pas, et bien souvent aux heures des repas, le diable venait sur sa java frapper du pied dans les estomacs. Des petits malheurs vite commencèrent, car ce refrain de Lucifer planait partout, tout de suite à Paris, circonvenant bien les esprits. Vers la fin du mois de décembre, un député pris de coup, à la tribune de la chambre, dit dans son discours: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est mon programme, est-ce qu'il vous plaît? À coup de fusil, on l'eut l'abattre, il expira au deuxième couplet.

The RiverviewTheater.com has the new French Shorts 2020 with some French short movies. Then the ParkwayTheater.com has a lot of French movies. That's not all they have, but they have quite a few. One of the ones I watch is Conviction. Then there's also My Dog Stupid with Charlotte Gainsbourg and Yvan Attal. I haven't watched this one. A series of Romy Schneider with César and Rosalie, Les Choses de la Vie, and L'Important C'est d'Aimer. You can get them like for bulk price for the three of them, or you can get them one at a time too. Then Deer Skin with Jean Dujardin, that I saw as well. Was pretty dark humor. That was pretty funny. Another one that's of season called Zombie Child, kind of a scary movie. Then Papicha, which talks about Algeria in the 90s and the comeback of religious extremism. And Someone Somewhere from Cédric Clapiche, which is a rom-com in Paris. And the last one is The Perfect Nanny, which is a scary one. And it's also available on Amazon Prime if you have it. Et voilà. That's it for now. C'est tout pour l'instant. Back to the music. This program has been pre-recorded. KFAI, turning your radio into a time machine. Now we're going to listen to Starmania with Le Tango de l'amour et de la mort. The Tango of Love and Death. Then Notre-Dame de Paris, the musical with La Sorcière, the Witch. And Tété with À la vie, à la mort. To the life, to the death. Cette fille est étrangère. C'est une bohémienne, une sorcière. C'est une chienne, une chatte de gouttière. Un animal qui traîne pieds nus sur les pavés. C'est un péché mortel à regarder. Il faudrait la mettre en cage. Qu'elle ne fasse plus de ravages dans les cœurs, dans les âmes des fidèles de Notre-Dame. Ce soir, nous la suivrons dans les ruelles et nous l'enlèverons. Nous l'emprisonnerons dans une tourelle et nous lui montrerons la religion de Jésus-Christ et de sa sainte mère Marie. Tu me demanderais n'importe quoi, je le ferai pour toi. Tout ce que tu voudras, tu le sais. Tout ce que tu voudras, je le ferai pour toi. Je le ferai pour toi.

éternel s'endorme au fond du lit. Consensuel et au mépris de nos passerelles, nos passerelles. Je pleure ce qu'il reste de ma petite mort, mais j'y retournerai encore. Je pleure ce qu'il reste de ma petite mort. Je veux sourire quand je m'endors. Plein été, de galère en galère, Armand s'est retrouvé clochard. Pourtant depuis tant d'années, son job perdu, il avait recherché. Abandonné de sa femme et de son chien Albert. Mort lors d'une dispute d'un coup de revolver. Et dans le quartier, révolté, rebelle de dernière heure. La quarantaine dépassée, il est seul et il pleure. Il est trop tard pour s'intéresser à son triste sort. Armand est mort. Armand est mort. Pourtant, 10 ans auparavant, devant ses enfants, leur enseignant l'amour et le respect des parents. La haine de l'avarice dans ce monde dément. Armand passait du bon temps. Accident du travail, quelques indemnités. Il retrouve un emploi puis est licencié. Invité au mariage de sa femme Armand. Père au tribunal, la garde des enfants. Il est trop tard pour s'intéresser à son triste sort. Armand est mort. Armand est mort. Avant sa fin, il habitait une belle propriété, avec vue sur la mort, un asile de paumé. Avant sa fin, avant sa mort, il en fut délivré. Laminé, décervelé, lobotomisé. Il est trop tard pour s'intéresser à son triste sort. Le pauvre Armand est mort. Armand est mort.

claque à la Freddy Krueger avec des phases de boxeur. La petite d'Hannibal le lecteur, le passager noir de Dexter, l'œil du tigre de Rocky, nos cassons très larges de Rocco, beaucoup plus sauvage que Orco. Sous le lit de tes gosses comme Chucky, apprends vite à marcher en Peggy avant d'écouter mes égoteries. J'espère que tu portes une coquille quand mon rap te lâche des Loki. Va coucher ta petite Dora, je fais la magie noire de Pouta. Ne m'appelle pas Nakamura, ce soir appelle-moi ton rap te lâche des Mola. Ouais, tu provenu de Massilia, transforme ton rap Godzilla en petit Chantal Goya. Appelle-moi SSW, je suis venu défoncer la prod. Dis-toi que je serai le dernier à brandir l'épée de ma clé haute. Oui, mon rap est tellement sauvage que tes dames me serviront de bling bling. Il te fera tellement de dommages que tu finiras comme dans Shining. Je suis le thriller de Jackson. Voilà mec, pourquoi t'as la trouille? Demande à mon poteau Gilson. Ta tête servira de citrouille ce soir vers Halloween. Il s'équipe pour des bonbons qui m'agissent. Bientôt ils prendront toute la protéine. Let's j'hallucine. Dans les cartes, je suis une tapotine. Halloween, c'est le monde de la poussade de la planète. Que Dieu nous garde. Balance le truc que je les chiffre. Arraché de couronne à l'agression à Miami Beach. Ils se déguisent tous pour des chiffres. On les switch, on les switch. J'ai les démons qui m'aguichent. J'ouvre le game au pied de biche. Fuck you. 2011, si tu es là, tire-moi dessus. J'perds pas la guerre, j'ai trop la mort. J'suis dans les airs, à bout de nerfs, en bord de mer. C'est le ghetto. Dans la tête, c'est le ghetto. Partenaires, nos adversaires, ils périront tous face en ghetto. Dans le trou, j'transforme les leaders en little sur le coup. J'suis campéon et j'ai pris goût. Je me sens grand comme José Mou. Mais mêle-toi de ce qui te regarde, peux-tu péder? Je suis prolique, peux-tu péder? Sors ton prolique, peux-tu péder? Dans l'estime ou dans la guigne, la Zubrovska dans la boca, la Goloka, la Halloween, braquage vocal, ratatata, m'oblige pas à faire marche arrière sur toi, j'ai pété les rétros, les feux arrière. Tant qu'ils ne me voient pas plus. Ils déguisent pour des bonbons qui m'agissent. Bientôt ils prendront tous la tonnerie. Let's j'hallucine. Dans les cartes, je suis une plaque partie. Oh Broly, c'est quoi ça, c'est là. Ils ont tapé à la porte, ils voulaient des bonbons. Le rap, c'est Halloween ou c'est pas Halloween? C'est Halloween ou c'est pas Halloween? C'est ça, justement. Voilà. Il y a ton téléphone qui sonne. T'as une idée. Allô? Win? C'est trop. Ah, c'est mort. Ah, oh Broly, oh. Va me chercher. Oh, il est où ça, mon cours? Là, je veux plus le marbre. Oh putain. T'es prêt à priver ta vie pour ta diva, c'est pas du vent. Tu dis t'aimer me rend téméraire comme c'est divin. On cherche l'amour sans trêve. Du paradis contre ma perdue. Regarde-moi de loin comme si mon garde du corps était Dieu. Je t'avais pas vu dans la mire, un pavé dans l'amour. Endure tes vers pour entendre les gens dire tu me rendras légendaire. Je cherche l'amour. Ce que je pose, ce que je vis, une cible émouvante. Prouve-moi que tu m'aimes à mort, au moins autant que tu t'en vantes. Et la balle au bout du fusil, le fusil à bout de bras, du braconnier à bon souffle, la balle siffle, un corps s'avale, sa vie défile, le bourreau se tire dans la foule. Et moi ému, je reste couché. C'est moi qui l'ai touché. C'était un homme passionné, l'inquisiteur. parasite qui voulait sauver l'humanité. Pauvre pécheur de l'éternel damnation. Alors attention, ils sont venus la prendre la nuit. Ils l'ont traînée par la chevelure jusqu'à la chambre. Faisait comme une couverture à peine à voir. Maintenant ça. Ah, tu m'assassines, sauve ton âme. Ah, tu commets un crime, pauvre femme. Par ma voix, chante de la beauté. Tu es endiablée par ta bouche. C'est le diable qui accouche. Tu voudrais bien que je te touche. D'ailleurs, tu fais tout pour me plaire. On peut dire que tu sais y faire. Nous, c'est l'air qui vibre et tu frissonnes. Oh, comme t'es libre et comme t'es bonne. Le grand inquisiteur sent battre son cœur. Le grand inquisiteur sent fondre son cœur. It was Soprano with Halloween, featuring Alonso, then Les Nubians with Amour Amour, and Rita Mitsuko with La Sorcière et L'Inquisiteur. KFAI is supported in part by the strength of its underwriters. The businesses and organizations you hear mentioned between the music and news have aligned themselves with the values and mission of Fresh Air Community Radio and its listeners. Join us in keeping KFAI community forward by underwriting on air, on our website, and in the KFAI newsletter. Call us today at 612-341-3144, extension 22, or email sales at kfai.org. Now we're going to listen to Damien Saez with Femme d'année, The Cursed Woman. Then it's going to be Chantal Martine with Perdu d'avance, Lost in Advance, featuring Jean-Pierre Sauveur. Then Rita Mitsuko with Melodica, and Carla Bruni with Partir dans la nuit, Leaving into the Night. Avons-nous donc commis une action étrange? Explique si tu peux mon trouble et mon effroi. Je frissonne de peur quand tu me dis mon ange. Cependant je sens ma bouche aller vers toi. Ne me regarde pas ainsi, toi ma pensée. Toi que j'aime à jamais ma sœur d'élection. Quand même tu serais une embûche dressée et le commencement de ma perdition. Quand même tu serais une embûche dressée et le commencement de ma perdition. Qui donc devant l'amour ose parler d'enfer? Maudit soit à jamais le rêveur inutile qui voulut le prendre. premier dans sa stupidité, c'est prenant d'un problème insoluble et stérile, aux choses de l'amour mêler l'honnêteté. Celui qui veut unir dans un accord mystique l'ombre avec la chaleur, la nuit avec le jour, ne chauffera jamais son corps paralytique à ce rouge soleil. Contenter qu'un seul maître, mais l'enfant épongeant une immense douleur, cria soudain, je sens s'élargir dans mon être, un abîme béant, cet abîme est mon cœur, brûlant comme un volcan, profond comme le vide, rien ne rassasiera ce monstre gémissant. Et ne rafraîchira la soif de l'Euménide qui la torche à la main, le brûle jusqu'au sang. Que nos rideaux fermés nous séparent du monde et que la lassitude amène le repos. Je veux m'anéantir dans ta gorge profonde et trouver sur ton sein la fraîcheur des tombeaux. De ces choses, comprends-tu maintenant qu'il ne faut pas offrir? L'holocauste sacré de tes premières roses, au souffle violent qui pourrait les flétrir. Hippolyte, ô ma sœur, tourne donc ton visage. Toi, mon âme et mon cœur, mon tout et ma moitié. Tourne vers moi tes yeux pleins d'azur et d'étoiles. Pour un de ces regards charmants, baume divin, des plaisirs plus obscurs, je lèverai les voiles. Et je t'endormirai. Dans un rêve sans fin. L'amour, on en riait, c'était perdu d'avance. On se noyait dans la désespérance. On n'a rien dit, on n'a rien fait. Où irons-nous pour nous sortir du froid qui nous attaque et qui nous glace? Dès demain matin, je ferai. des enfants sages, affamés de prouesses et d'infinis voyages. Si on partait à l'aventure, sans nos prisons, sans nos blessures, jusqu'à la mer, là où le ciel est clair. Si on s'en allait jusqu'à l'eau, pour oublier la mort qui rôde loin d'ici bas. Si je m'installe dans tes bras, juste dans tes bras, à cet endroit-là. Si on partait dans la nuit, comme de drôles d'astronautes, tout de plaisir et tout. Perdu l'un de l'autre, si on partait sans prendre garde à l'incertain, au désespoir, sous d'autres cieux, le vent dans nos cheveux, s'il n'y avait rien d'autre au monde que ce désir doucement qui gronde, qui nous chérit et qui redessine nos vies. C'est ainsi. It was Damien Saez with Femme d'année, Chantal Martine with Perdu d'avance featuring Jean-Pierre Sauveur, and Lerita Mitsuko with Melodica, Carla Bruni with Partir dans la nuit. Now, we're going to listen to a song from Joe Dassin called Il était une fois nous deux, Once Upon a Time, the Two of Us, and it's going to be interpreted by the Les Frangines. It's an homage to Joe Dassin, the whole album is. Then we're going to listen to Vianney with Merci pour ça, Thank You for That, and Voyou with Teenage Fantasy. Souviens-toi, c'était un jeudi, souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. C'était, il était une fois nous deux. Souviens-toi, c'était le grand jour, le grand pas vers le grand amour. C'était encore mieux que ça, c'était nous deux. Il était une fois en motel sur la route du port, un soir banal. Deux clients, un veilleur qui s'endort sur son journal. Il nous tend à chacun une clé, nous dit bonsoir. Le matin, on avait réservé des chambres à part. On n'ose pas montrer. À 18 ans à peine. Souviens-toi, c'était un jeudi. Souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. C'était, il était une fois nous deux. Souviens-toi, c'était le grand pas vers le grand amour. C'était encore mieux que ça. C'était qui s'en allait. Souviens-toi.

dont je dis être amoureux. Tout le monde cherche ces idylles de jeunesse, surtout celles dont on nous prive. Et les gens qui nous aiment, on les méprise. Oh, tout le monde cherche ces idylles de jeunesse, surtout celles dont on nous prive. Et les gens qui nous aiment, on les méprise. Bien. Pour entrer dans les cases, pas besoin de courir, pas besoin de souffrir. La route est si longue et pleine de surprises. Tout le monde cherche ces idylles de jeunesse, surtout celles dont on nous prive. Et les gens qui nous aiment, on les méprise. Oh, tout le monde cherche ces idylles de jeunesse, surtout celles dont on nous prive. Et les gens qui nous aiment, on les méprise. It was Les Frangines with a Joe Dassin song, Il était une fois nous deux. Then Vianney with Merci pour ça. And Voyou with Teenage Fantasy. Okay, well, thank you for listening to us. Au revoir. Merci et bonne soirée. Keep listening and to kfa.org. Yeah, and we'll be here next week. Yeah, listen to Balkan Jamboree with Nikolai. Yes. Bye-bye. Yes, stay tuned.